s'enlacer. Je vois déjà à la mairie le maire qui nous marie. Un ciel qui se lève demain, c'est peut-être le rêve. Demain, c'est une valse tendre signée de moi. Demain, peut-être, c'est l'entendre par d'autres voix. Demain, pourquoi ne pas y croire? Demain, pourquoi douter toujours? Peut-être la gloire, et demain, c'est peut-être l'amour. Sans argent dans la poche, mais de l'espoir au cœur, ne faisant pas reproche au sort d'être moqueur, n'ayons qu'une maîtresse, la jeunesse. Une valse ardente sous mes mains. Mais qu'importe aujourd'hui si j'espérons demain. Demain, c'est un ciel qui se lève. Demain, c'est peut-être le rêve. Demain, c'est une valse tendre signée de moi. Demain, peut-être, c'est l'entendre par d'autres voix. Demain, pourquoi ne pas y croire? Demain, pourquoi douter toujours? Demain, c'est peut-être la gloire. Et demain, c'est peut-être l'amour. Thank you. pour écrire avec talent une valse au rythme lent. Il faut écouter chuchoter la brise d'un soir d'été, un oiseau dans le vallon, un roseau sous l'aquilon, un ciel étoilé velouté, un rire de fraîches dents, deux yeux ardents expriment dans un frisson l'air et la chanson. Désir de rire, plaisir d'aimer, joie de sourire et de charmer, phrase qu'inspire un doux secret. La valse est comme votre reflet. Valsez, valsez, valsez lentement, dansez, dansez, toujours plus gaiement. Valsez, valsez, oui, valsez sans trêve, la valse chère à vos rêves. Oh!

yeux, à quoi vous sert d'avoir l'œil grand ouvert? Mettez donc des lunettes aux yeux pour tâcher d'y voir mieux. Les hommes, quand ils sont bernis, n'y voient pas plus loin que leur lit. Chacun le sait, eux n'y voient rien. Ça, je trouve ça très bien. Mais quand on montre à un jeune homme son amour anormal et qu'il est aveugle ou tout comme, ça fait mal, très mal. Que tout le sexe masculin. Si vous êtes si déluré, il faut le montrer. Je comprends votre secret. N'ayez peur, je suis discret. Je connais sans restriction toutes les indiscrétions. Dites-moi qui vous adorez. De ce pas, je le lui dirai. Non, monsieur, j'ai trop de chagrin. Vous n'êtes qu'un grand serin. Comment, madame, à quoi me sert mon œil tout grand ouvert? Pourquoi donc des lunettes aux yeux? J'y vois très bien, mon Dieu. Finissez donc de m'agripper quand du comment lui échapper. Que vous aimiez même à vous rien, ça je trouve ça très bien. Mais que vous fassiez un jeune homme comme moi, si normal, inconfident, ou c'est tout comme, ça c'est mal, très mal. Comment, madame, à quoi me sert mon œil tout grand ouvert? Pourquoi donc des lunettes aux yeux? J'y vois très bien, mon Dieu. Thank you. Faudrait pourtant que j'inscrive ce thème. Oui, c'est cela. La valse que j'aimais. ce qui me grit et que je moi, qu'elle c'est toi, Chambère sœur, dis-lui qu'en douceur, dis-lui qu'en tendresse, en caresse, vous êtes sœur. Show. s'exaltant et nous t'admirons. Une âme touchante d'amande lorsque nous te chantons. Touchante d'amande me conquit. À trouver ce soir bonheur, espoir, rêve. Sa tendresse, sa tendresse.